Énergie. Et ouais, ça gratte sur le pare-brise. Température négative, on va se réchauffer dans la radio. Bienvenue tout le monde, ici c'est Énergie. Tout pile, bienvenue. J'espère que ça va bien. J'espère que vous vous êtes bien réveillé, que vous avez bien dormi, que vous êtes en forme. Si vous êtes un petit peu fatigué, qu'il faut frotter les yeux, bon, c'est normal. C'est la fin de la semaine. La bonne nouvelle, c'est qu'il reste quelques heures encore à tirer avant le week-end et peut-être même avant les vacances. Il y en a qui souvent ne prennent pas les deux semaines de vacances pendant Noël, ils se prennent juste une semaine. Et puis du coup ils peuvent partir en vacances ou se reposer peut-être tranquillou avec les petits bouts qui ne sont pas à l'école. En tout cas, bon courage. Si vous partez bosser, il est très très tôt, c'est vrai, 6h01. Mais ici on est en pleine forme sur Énergie, histoire de bien se motiver en mode vendredi avec pas mal de bonnes choses. J'ai une info pour vous, alors je vais vous la donner d'ici quelques minutes. Ça concerne Pirates des Caraïbes. Alors c'est une nouvelle mais pas forcément une bonne nouvelle. Alors je vais vous expliquer ça pourquoi. Si vous êtes fan de la saga, restez bien connecté sur Énergie. Il y aura pas mal de cadeaux aussi à vous offrir ce matin. Et puis alors on vient revenir aussi sur les Énergie Music Tour. Ouais, on vous rappelle ça évidemment. On va vous diffuser le Énergie Music Tour de Liège et celui de la Louvière le 31 décembre sur la chaîne de télé Énergie Hits. Autant vous dire qu'on a pas mal de choses à faire ce matin. Et histoire de bien démarrer la journée du vendredi, j'ai pour vous tous vos hits préférés. Il y a les plus grandes stars de la planète ici, avec dans quelques minutes, lui. Ça, c'est parfait, du Belge pour démarrer. Vous l'adorez, nous aussi. Ça tombe bien, il arrive dans votre playlist Énergie. On écoutera Loïc Noté dans un instant. Avant ça, on démarre avec le nouveau David Guetta. C'est le trio, celui avec Bébé Rexha et J Balvin. Il est 6h02, bienvenue, c'est le 6-9 des vacances. Je m'appelle Dylan sur Énergie. À la Sainte-Innocent, autour des tuyaux d'eau chaude, je place un isolant. Un conseil des guichets Énergie Wallonie. Mordiendo mis labios, esperas que nadie más está en mi camino.

you a freak too. That's right. What's 2 plus 2? Dans quelques heures, on sera en mode week-end. C'est vendredi. DJ Snake arrive. C'est vendredi. C'est la suite de votre playlist énergie ce matin. Et puis, j'avais promis d'y revenir. T'as récupéré le Black Pearl. Quelques bons amis m'ont filé un coup de main. Ton fils, William. Il a fini pirate en fin de compte. Ouais, je vous avais promis de revenir sur cette info de fou qui va venir changer la donne dans l'histoire du cinéma. Alors c'est vrai, on connaît tous Pirates des Caraïbes, ce fameux film réalisé par Joachim Rowling. Et il y a des news concernant la réalisation de la suite de la saga. 5 Pirates des Caraïbes sont déjà sortis, avec comme acteur principal évidemment Johnny Depp qui incarne le personnage de Jack Sparrow et pas Jack Sparrows, hein, ça c'est le cuisinier. Et ben Disney a communiqué et pour le reboot du film, il ne sera officiellement pas de la partie pour le 6e volet de la saga. Voilà, grosse mauvaise nouvelle donc pour les fans du film et de Johnny Depp. Et alors il y a même des rumeurs qui indiqueraient la disparition même du personnage pour laisser place peut-être à une actrice, qui sait. On en saura certainement plus dans les prochaines semaines. Disney va certainement communiquer un petit peu plus avec pas mal d'infos qui vont arriver d'ici quelques semaines. Alors au pire, pour les fans de l'acteur, je vous donne une mauvaise nouvelle, je vous en rajoute une bonne. Il sera quand même à l'affiche de City of Lies. C'est un nouveau film où il va incarner un détective, Russell Poole. Il va tenter de résoudre notamment l'affaire des meurtres des deux rappeurs, Tupac et Notorious B.I.G. Ça s'annonce juste énorme. La date de sortie n'est toujours pas communiquée, mais ça ne serait tardé. On vous a mis l'info sur energie.be pour aller retrouver toute l'info complète. D'ici là, on envoie DJ Snake pour vous côté hit. Il est 6h26 et puis juste après, on fait un point sur les news. The sun goes down. We're afraid to admit it, but I know you know that we should have known better, but kept on trying it. And it's time that we see it, the fire's dying out. Can't believe that I see this, we're out of chances now. And I just want you to know that you and me, it was good. Yeah, I hope you'll be happy now. et Julien Doré arrivent, Zayn Malik aussi et DJ Snake. Que des stars. Et la star des journalistes aussi, et le journaliste des stars. Bon, avant les infos, on va quand même faire la météo pour aujourd'hui, ça dit quoi? Bah, beaucoup de nuages aujourd'hui, même si le temps restera normalement sec. Il fera plutôt froid, avec des maxima de 2 à 3 degrés. En cours de journée, normalement, on devrait gagner quelques degrés. Ah, ça, ça fait plaisir. Ouais. 6h29, une minute avant toutes les autres radios, vous vous informez sur Énergie. Soyez les bienvenus, c'est vendredi. Voici Yannick Farkas à la rédac. Bonjour moi Yannick. Bonjour Dylan et bonjour à tous. Wallons et Flamands ont du mal à s'entendre sur la politique routière. La région wallonne souhaite toujours mettre en place un système de vignettes, alors que la Flandre semble privilégier la piste d'une taxe au kilomètre. L'introduction de deux systèmes différents dans un même pays est difficile à imaginer, selon Carlo Di Antonio, le ministre wallon de la mobilité. Depuis plusieurs années, Carlo Di Antonio plaide pour la vignette payante pour circuler sur les routes wallonnes. Elle remplacerait la taxe de circulation. Une mise à jour d'Instagram a provoqué le mécontentement de ses utilisateurs. La mise à jour était accidentelle. En fait, le réseau social a remplacé le défilement vertical habituel par un défilement horizontal. En plus de ça, pour voir les commentaires d'une photo, il fallait s'arrêter dessus et faire remonter la photo sur l'écran. Un changement des habitudes qui n'a pas plu. Les internautes ont réagi en masse sous le hashtag Instagram Update. Entre-temps, Instagram est revenu à la normale. En fait, il s'agissait d'un test qui a été diffusé par erreur à de trop nombreuses personnes. Le prix de la bière augmentera à partir du 1er janvier. AB InBev a confirmé une légère hausse des prix. Un porte-parole a évoqué une hausse d'environ 1 centime par verre de bière pour le consommateur. Cette décision s'explique notamment par la hausse des prix des céréales et d'autres matières premières. La grande distribution et le secteur horeca devront décider de répercuter ou non cette hausse auprès des consommateurs. Aux États-Unis, les négociations entre démocrates et républicains ont échoué. La paralysie partielle des administrations fédérales va donc se prolonger jusqu'à la semaine prochaine. L'impasse budgétaire se heurte au projet du mur à la frontière mexicaine voulu par Donald Trump, mais auquel s'opposent les démocrates. Enfin, en football, c'était la fin de la 21e journée de championnat hier soir. Anderlecht a gagné 3-0 contre Waasland Beveren et le club de Bruges s'est lui imposé 0-1 à Lokeren. Merci beaucoup Yannick, on se retrouve dans une demi-heure, à tout à l'heure. À tout à l'heure. À la Saint-Innocent, autour des tuyaux d'eau chaude, je place un isolant. Un conseil des guichets Énergie Wallonie. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Prende los motores de Kawasaki. En la discota Jenny llegaron los Anonaki. No le pare, el puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Touch it and tease it and squeeze it. Well, my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated, ayy. He said he really wanna see me more. I said we should have a date where? At the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Whoa, oh, oh, oh.

labyrinthe en désert. Crois-moi, j'ai déposé des cendres dans le cendrier des anges. J'irai revoir la mer sans toi. We'll be fine. Et Dieu sait que je tremble. Tu dois te réveiller sans moi. Il est midi sur novembre. Nous ne partirons pas ensemble. Mon cœur a décidé pour toi. We'll be fine. Et le soleil peut te prendre. Que j'ouvre un peu les yeux sur toi. Il est midi sur novembre. Nous ne partirons pas ensemble. Ton cœur a décidé pour moi. Alors, ils sont pas ensemble dans la vraie vie, hein. Je parle à la radio évidemment. Louane et Julien Doré à l'instant sur Énergie, 6h41, soyez les bienvenus. Allez, courage tout le monde si vous partez bosser, quelques heures à tirer avant le week-end. 6-9 de vacances ici. Énergie. Si vous vous demandez comment rendre des crocs à la mode, demandez à Post Malone, le chanteur américain qui a collaboré avec la société pour créer une paire de crocs blanches qui a été en rupture de stock dès sa sortie. Il a donc renouvelé ça avec une variante jaune. Dessus, il y a des fils barbelés. Ça fera référence à ses tatouages. Lui, il a des fils barbelés qu'il porte sur ses poings et sur son front. Voilà, il est taré, ce Post Malone. On va l'écouter ce matin sur Énergie, 6h42, bienvenue. Très vite. La playlist Énergie. C'est le retour de la playlist Énergie. On a tous une bonne raison d'aller chez Intermarché. Moi, j'ai mon envie de me retrouver autour d'une bonne pierrade ou alors une fondue. Ah, ça tombe bien. En ce moment, nos délicieux plateaux sont à moins 30%. On l'a bien mérité, je préviens Mère Noël. Et Père Noël, à moins 30%, invitez aussi tous vos amis. Bonne idée. Intermarché, avec vous pour des fêtes moins chères. Ouvert tous les dimanches. Chez Eneco, nous sommes fans de l'énergie du soleil et du vent, et aussi de nos clients. C'est pourquoi nous nous coupons en quatre pour réaliser vos vœux de Noël les plus verts. Je souhaite une mer plus propre pour tous les poissons. Moi, je souhaite des lumières de Noël à l'énergie verte. Et moi, je souhaite un avenir durable pour tous les enfants. Partagez votre vœu vert sur enecoNoël.be. Soufflez aussi fort que vous pouvez, et il deviendra peut-être réalité. On a tous une bonne raison d'aller chez Intermarché. Vous remontez les fils comme le saumon remonte le courant. Et il est au meilleur prix chez Intermarché. Énergie. Infotrafic. Si vous vous demandez encore à quasiment 2019, qu'est-ce qui est jaune et qui attend? C'est pas Jonathan, c'est les gilets jaunes. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe sur les... Plusieurs actions de gilets jaunes sont en cours. Des barrages filtrants sont présents sur le zoning de Thuin, sur la N54 au poste frontière de Jeumont et au rond-point du zoning de Courcelles. Des actions en cours également sur la N5 à Couillet et sur la E16 à la gare autoroutière de Houdin. Enfin, on signale un accident sur la E40 à Middelkerk en direction de la France. La circulation se fait uniquement sur la bande d'arrêt d'urgence. Et dire qu'à la base, des gilets jaunes, c'est fait pour réfléchir.

there's no more lies. Need to leave my comfort zone. Look in my eyes. If you don't turn to stone, I'd be surprised. But I can go on my own. It all started in November. We made it through the summer. You might get lost, but just remember. Don't hold back. I sing this song for the moment. On est la seule radio et la seule société à mettre la clim à fond alors que c'est le 28 décembre. Je comprends pas. Je passe un message à la technique. Si vous savez venir avec la commande de la télécommande, avec plutôt la, enfin, avec la commande de la clim, parce que la commande de la télécommande, ça marchera pas. Non mais c'est vrai. Et Yannick aux infos, je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Mais on peut même pas la régler nous-mêmes. C'est ouais, clim. Il fait moins 20 dehors et voilà. Il fait au moins moins 8000. Mais oui. Non mais c'est vrai. Qui active la clim en 28 décembre? J'ai pas compris. Franchement, désolé. J'espère que la technique écoute dans la voiture. Ouais. Et on y va pour la météo d'aujourd'hui, vendredi. Beaucoup de nuages aujourd'hui, même si le temps restera globalement sec. Il fera plutôt froid aujourd'hui avec des maxima de 2 à 3 degrés. Heureusement, on devrait gagner quelques degrés en cours de journée. Voici l'actu à 7h passée de 2 minutes. Nous sommes le 28 décembre. C'est Énergie ici avec Yannick Farkas du côté de la rédac. Bonjour. Bonjour Dylan, bonjour à tous. Plusieurs actions de gilets jaunes se sont poursuivies dans la nuit de jeudi à vendredi en province du Hainaut. Des barrages filtrants sont toujours présents sur le zoning de Thuin sur la N54 au poste frontière de Jeumont et au rond-point du zoning de Courcelles. Des actions sont également en cours sur la N5 à Couillé et sur la E16 à la gare autoroutière de Houdin. La Flandre a décidé d'autoriser la migration pour ses métiers en pénurie. Le ministre flamand de l'emploi, Philippe Meuters, a présenté hier une liste de métiers en pénurie. Dès le 1er janvier prochain, les entreprises disposeront de facilités pour attirer les profils venus de l'étranger. Pour faciliter leur venue, les ressortissants pourront obtenir un permis de travail de 3 ans au lieu de 1 an. Ils pourront recevoir après 4 ans un accès à durée illimitée au marché du travail. ING a sondé les Belges afin de savoir s'ils comptaient prendre de nouvelles résolutions en ce qui concerne l'année 2019. Selon l'enquête, plus de 86% des citoyens prendront en effet des bonnes résolutions pour 2019. Maigrir et faire plus de sport sont à nouveau dans le top des bonnes résolutions. Économiser de l'argent fait aussi partie du top 3. Malheureusement, toujours selon l'enquête d'ING, les Belges ont du mal à tenir leurs résolutions. Dès les premiers jours de l'année, les bonnes résolutions sont déjà au placard. Les ventes de voitures diesel sont en net recul en Belgique. De janvier à novembre, les immatriculations de véhicules diesel ont baissé de près de 11% par rapport à l'année 2017. Le diesel poursuit donc sa chute, d'autant que ce carburant coûte désormais plus cher que l'essence. Le diesel est aussi en chute sur le marché des voitures de société, bien qu'il reste toujours majoritaire sur ce secteur. En football, après avoir résilié son contrat avec le club français de Dijon, Laurent Simon est de retour en MLS. Il s'agit de la Ligue nord-américaine de football. L'ex-Diable Rouge s'est engagé avec le club de Toronto. 7h03, belle matinée avec Énergie, voici Offenbach. À la Saint-Innocent, autour des tuyaux d'eau chaude, je place en isolant. Un conseil des guichets Énergie Wallonie. Walking with a hippie dance, your neon's

Et là, c'est parti, il y a quelques heures du week-end. J'ai envie de vous mettre à l'honneur ce matin, de vous mettre en avant et surtout de vous faire une petite dédicace. Voilà, de mettre en avant les courageux qui, à 7h14, écoutent déjà la radio en ce 28 décembre. Alors, on va faire ce qu'on a déjà fait hier. Et vous étiez apparemment hyper nombreux et hyper contents que je vous lise à l'antenne. Donc, on va recommencer ça aujourd'hui. Si vous étiez là hier, vous voyez de quoi je parle. Je vous parle de Snapchat, la petite appli jaune là, qui vous permet d'envoyer des vidéos avec le fantôme. Tout le monde a Snapchat, tout le monde a un compte. Alors, vous ajoutez le compte de la radio, c'est super simple, c'est en un mot en plus. Les trois premières lettres, c'est énergie, N-R-J, Belgique, tout attaché. Ajoutez-moi sur Snapchat et vous me montrez ce que vous faites en ce moment à 7h14. Vous me montrez tout, sauf si vous êtes sous la douche, évidemment. Moi, je veux pas voir ça. Vous m'envoyez soit si vous êtes dans la voiture, peut-être déjà au travail, et vous mettez votre prénom, tiens, aussi, comme ça, je peux vous lire. Vous êtes peut-être, je sais pas moi, en train de vous réveiller, voilà, un peu la tête dans le guidon, devant votre mug de café, peut-être en mode déjeuner en ce moment, déjà au boulot. Montrez-moi ce que vous faites, vous m'envoyez un petit Snapchat, Énergie Belgique. Et dans moins de 10 minutes avant les infos de 7h30, je vais vous lire à l'antenne. C'est toujours marrant d'entendre son prénom à la radio. Et voilà, histoire de se la péter, même tout à l'heure, si vous allez voir les collègues, bah vous allez pouvoir lui dire que, bah oui, vous êtes passé sur Énergie. Voilà. Énergie Belgique sur Snapchat, je compte sur vous. Je vais faire un petit débrief de ce que vous m'avez envoyé ce matin. Et pendant ce temps-là, pendant que vous envoyez votre petite vidéo, eh ben je vous envoie chez vous Kaiser Panda pour les hits et AJR sur Énergie. Il est 7h15. Courage, tout le monde. C'est bientôt le week-end. Sur Énergie, on vous joue vos hits préférés sans s'arrêter. Dans la playlist Énergie. Chaque jour à 9h et à 20h. C'est vous qui programmez. Vous qui décidez. Vous choisissez les hits de votre radio préférée. Les hits Énergie, c'est vous qui les choisissez. Créez maintenant votre sélection musicale gratuitement sur énergie.be. La playlist Énergie, inspirée par vous. Chez Colruyt, vous êtes certain de profiter des meilleurs prix, même quand d'autres magasins font des promos. Nos clients témoignent. Dans un autre magasin, il y a une promo, et à ce moment-là, la machine se met en route, il n'y a pas de souci. Colruyt va descendre son prix sur le produit, quel que soit le magasin d'où ça vient. C'est de toute façon moins cher, donc voilà, je ne peux que faire confiance comme ça. Colruyt réagit et met le même prix. Quand la confiance est là, ben on revient. Hein. Colruyt suit toutes les promos des autres magasins et adapte ses prix. Colruyt, les meilleurs prix pour chaque produit, à chaque instant. Je voudrais créer un livre photo de l'année 2018 pour que même mes enfants puissent en garder un souvenir éternel. Dans ce cas, créez un livre photo Seway sur du vrai papier photo pour des années de plaisir. Seway est le meilleur service photo du monde. Bénéficiez actuellement de 50% de réduction sur un calendrier photo à l'achat d'un livre photo Seway. Rendez-vous sur cewe.be. Suéltate el pelo y salta de la cama. Estamos ready, la noche muy larga. Así que vamos a quitarnos toda la carga. Si tú estás bien, habla portugués. Conmigo mujer y si no pues tú no ven. Esta noche yo voy a hacerme con el parque. De noche me floco como Yandel. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame. La gente me quiero el ritmo sin ley. El papi pura, vamos a romper la frontera con un olé, yeah. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España, Brasil y hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta y Venezuela que lo muera. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España, Brasil y hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta y Venezuela que lo muera. Mami, yo sé que quieres vacilar con tus amigas en el barrio. Guaraná, rumba y tequila. Déjate de tres mamacitas. Todo el mundo quiere, todas las mami lo quieren. Sé que prefiere, mami, tu cuerpo no miente. La gente maya, Bogotá para rumbear y Boga para danzar. No llego todos ya, pintura y en el oriente. Todos quieren fiesta y bailar. La gente maya, la gente quiere que te rumba, ya la vea, quiero el ritmo sin ley. El papi pura, vamos a romper. Y hasta Panamá, Puerto Rico también lo sienta y Venezuela que lo

Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything tonight. Tonight. Is it loud or no? 'Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm here now, energy taking control. I'm speeding up, my heartbeat's dancing alone. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything tonight. Vous êtes sur Énergie, je m'appelle Dylan, c'est le 6-9 des vacances. Avec Camila Cabello à 7h26. C'est parfait pour se réveiller ce matin. On a reçu pas mal de Snapchat sur le compte Énergie Belgique. Je vais vous mettre à l'honneur aujourd'hui pour tous les courageux du vendredi, ceux qui partent bosser en mode 28 décembre à quelques jours de 2019. Je salue... Alors, désolé, vous êtes vraiment hyper nombreux, mais c'est un truc de fou, je vais essayer de tous vous lire, mais ça va être compliqué. Fali, Kiki qui est là, il y a Lily, il y a Djellaba, voilà, Annie, Marcelor, Tiffany, salut à Logmas, il y a Didi, Duc Duc, Oli Oli, Emma Paquet, Crictor, Nikas Michael, Marie, Valdéa, il y a Anto de Nivelles qui est au boulot depuis 5h30, lui, courage Anto. Salut à Charlène de Namur qui part bosser. Greg, lui, c'est sa dernière journée de boulot de l'année. Ah ben voilà, bon courage. Il y a Bobby Ba qui commence la journée devant la tasse de café. Baptiste, lui, il est sur le tracteur. Salut mon pote, il y a Iron Man qui est en route depuis 6h, il est agriculteur. Justin, il part au travail. Il y a Sabrina Lemaire aussi qui m'a fait un snap, mais elle était hyper motivée dans la voiture, c'est fou. Laura, elle bosse, elle est en mode nettoyage pour le moment. Il y a Isaniel qui arrive au boulot après 120 bornes. Ben voilà, sur la route avec énergie, il y a Chris qui est connecté aussi, Pancha qui va bosser, voilà tous les courageux du vendredi, Mélanie qui nous dit courage à tous les hôteliers et hôtelières, voilà le message est passé, salut à Safdia aussi qui est infirmière de nuit, apparemment elle termine sa nuit, elle va continuer à bosser, truc de fou, super courageuse, Soussou lui il est bouché, il doit avoir beaucoup de boulot pour le moment, salut à Camille, à Fab 1991 aussi, coucou à Bruno de Liège, il y a Tic Tac qui est en plein boulot, il reprend le travail aujourd'hui, à Calcus qui est toujours fidèle à énergie, il y a Jonathan aussi, vous voyez vous êtes hyper nombreux, c'est un truc de dingue. Arnaud qui a le sourire dès le matin avec énergie, voilà apparemment. Steph qui livre des cadeaux pour le nouvel an. Salut à Stéteto aussi. Il y a Killer. Salut à toi Killer. Il est mécano BMW à Overays. Ça tombe bien, j'ai un problème avec ma voiture. Donc Killer, je vais te contacter, y a pas de problème. Salut à Caroline aussi. Et je vais saluer les dernières personnes qui m'ont snappé. Alors je sais pas ouvrir votre snap, mais au moins je vous dis votre prénom. Il y a Bad Chicken, Cyril DB, Fred, Isaniel, SSTF. C'est fou, vous avez des pseudos de ouf. Il y a Killer aussi, Deslou, voilà, vous êtes super nombreux. Énergie Belgique sur Snapchat, le temps de faire les infos à 7h30. Ça a été quelque chose quand même. Hein. Tu n'es plus sur les réseaux, tu m'as bloqué. Et tu penses que j'ai une autre à mes côtés. Toi, tu t'es fait une raison sur un coup de tête. Et ça me tourne autour à croire que je suis coté. Mais je les envoie balader. Elles n'ont pas ton sourire, je leur ai dit sorry. Et depuis que je suis parti, ton cœur est balafré. Je passe mon temps à sortir, tu le vois dans mes stories. On n'a plus rien à se dire, dis-moi où j'ai fauté. Et je vois que tu fais ta vie, que dans la nuit tu brilles. Mais je te connais par cœur, tout ça c'est pas toi. Et je vois qu'on te courtise, dis-leur de rester tranquille. Non, on n'est plus ensemble, mais t'es quand même à moi. Mais toi, tu crois que je suis ailleurs. Que j'ai comblé le vide dans les draps d'une autre. Et moi je crois que t'es ailleurs. Que t'es dans ses bras. On s'est manqué, manqué, manqué, manqué. On s'est manqué, manqué. l'heure de peu, on s'est manqué. L'impression de mentir quand je te souhaite le meilleur. Sans dire un mot, on s'est tourné le dos. Comme deux inconnus quand on se croise en bendo. Tout est snapisé, je suis pas parano. Tu me surveilles sans cesse, mais surveille tes poteaux. Tant pis, on s'oubliera. Le temps nous dira si on a bien fait. Et si je te mens parfois, si je fais semblant, c'est que j'ai ma fierté. Mais toi tu crois que je suis ailleurs. Que j'ai comblé le vide dans les draps d'une autre. Et moi je crois que t'es ailleurs. Que t'es dans ses bras. On s'est manqué, manqué, manqué, manqué. On s'est manqué, manqué, manqué, manqué. On s'est manqué. Vous écoutez dans un instant Dimitri Vegas et Like Mike et puis Camilla Cabello aussi. Juste après la météo pour aujourd'hui, qu'en est-il des températures ? Eh bien, beaucoup de nuages d'abord aujourd'hui, même si le temps restera globalement sec. Il fera plutôt froid ce matin avec des maxima de 2 à 3 degrés. En cours de journée, heureusement, on gagnera normalement quelques degrés. Oui, apparemment, ce week-end, il va faire beau. Enfin, beau, c'est tout est relatif, évidemment. Il va faire beau pour un mois de décembre. Oui, il fait beau, mais il fait froid quand même. Il fait froid, ouais, entre 8 et 10 degrés, je pense, pour ce week-end. Ouais, ça va. Vous écoutez Énergie, merci d'être avec nous. Il est 7h31, voici l'actualité de ce vendredi 28 décembre. C'est avec Yannick Farkas, bonjour. Bonjour Dylan, bonjour à tous. Plusieurs actions de gilets jaunes se sont poursuivies dans la nuit de jeudi à vendredi en province du Hainaut. Des barrages filtrants sont toujours présents sur le zoning de Thuin, sur la N54 au poste frontière de Jeumont et au rond-point du zoning de Courcelles. Des actions sont en cours également sur la N5 à Couillet et sur la E16 à la gare autoroutière de Houdain. La police découvre chaque mois environ 700 cas de fraude à l'identité. Les criminels ont recours à de fausses identités pour commettre leurs méfaits. L'an passé, la police a relevé plus de 8000 cas. Les procureurs vont d'ici peu émettre une circulaire sur le partage d'informations entre la justice, les services policiers et les services gouvernementaux. Une autre mesure est l'association des empreintes digitales à toutes les cartes d'identité. Ça sera à partir du mois d'avril. Une mise à jour d'Instagram a provoqué le mécontentement de ses utilisateurs. La mise à jour était accidentelle. En fait, le réseau social a remplacé le défilement vertical par un défilement horizontal. En plus de ça, pour voir les commentaires d'une photo, il fallait s'arrêter dessus et faire remonter la photo sur l'écran. Un changement des habitudes qui n'a pas plu et les internautes ont réagi en masse sous le hashtag Instagram Update. Entre-temps, Instagram est revenu à la normale. En fait, il s'agissait d'un test qui a été diffusé par erreur à de trop nombreuses personnes. Le nombre d'attaques de distributeurs automatiques a explosé. En 2018, 18 attaques de distributeurs automatiques ont eu lieu en Belgique. Et l'an dernier, il n'avait eu seulement 2. Ces faits sont en général qualifiés de vol aggravé, d'organisation criminelle et d'incendie volontaire et peuvent mener à des peines de prison allant jusqu'à 30 ans. Enfin, football, c'était la fin de la 21e journée de championnat hier soir. Anderlecht a gagné 3-0 contre Westland Beveren et le club de Bruges s'est lui imposé 0-1 à Lokeren. L'info énergie. Et ce matin, pour l'info énergie, eh bien, on prend la direction de Big Apple. On s'en va à plus de 8000 km de la Belgique. Et apparemment, on va parler de New York aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Oui, on va à New York. En fait, hier soir, une mystérieuse lumière bleue se trouvait au-dessus de New York. Oh my God! Oh my God. Impossible de savoir d'où venait cette mystérieuse lumière. Du coup, les New-Yorkais ne comprenaient pas ce qu'il se passait. Et énormément de New-Yorkais ont réagi sur les réseaux sociaux. Oui. Pour eux, c'était clair, une invasion extraterrestre était en train d'avoir lieu au-dessus de New York. En fait, cette lumière était simplement due à l'explosion d'un transformateur dans une centrale électrique. Rien de grave, mais voilà, ça a permis à pas mal de gens de délirer un peu. Ah purée, ça a dû faire le tour sur Twitter, ça. Ouais, Twitter, Instagram. Mais pour voir les images sur internet, c'est impressionnant. Et quoi, c'est vraiment genre tout le ciel bleu ou c'est juste une... C'est une partie du ciel, mais on dirait vraiment un film américain, un film d'extraterrestre en fait. Genre c'est pas le petit extender wifi qui clignote bleu. Non, c'est pas ça. Ok, ça marche. Oh là là, New York. Moi ça me fait rêver. Ah ouais, t'as déjà été? Ouais, 3 fois. Ah, et voilà. Toi? Ouais aussi. Ouais, si tu veux, on peut raconter nos voyages. Et ouais, non, c'était bien, on peut raconter nos vies. Oui, c'est vrai. T'as fait quoi hier soir, ça va? Non, par contre, il y a un truc que je me suis toujours posé comme question par rapport à New York. Et j'avais posé la question à mon prof de géo qui n'avait pas réussi à me répondre. Donc, du coup, j'ai même pas cherché sur internet. Alors, si vous avez la réponse, dites-le moi un petit peu sur la page Facebook Énergie Belgique. Je ne sais pas pourquoi on appelle New York Big Apple. Ben, j'en sais rien, moi. La grande pomme. La grande pomme. Je sais que c'est la ville qui ne dort jamais. mais je ne sais pas pourquoi on l'appelle Big Apple. Est-ce qu'il y a des Américains qui nous écoutent peut-être? Imagine. Bah, bien sûr qu'on est, on est écoutés aux États-Unis évidemment. Alors je vais faire l'américaine. What does it mean Big Apple in French, please? Non mais c'est vrai, dites-moi si vous êtes prof d'anglais, je sais pas, ou si vous avez lu des livres, si vous êtes intelligent, pas comme nous peut-être qui travaillons à la radio. Bah dites-nous un petit peu, tiens, pourquoi on dit Big Apple? 30-18 par SMS et la page Facebook Énergie Belgique. Bon, je vais essayer de me renseigner, on verra bien. Merci beaucoup Yannick, on se retrouve dans moins d'une demi-heure pour la suite de l'actualité. À la Saint-Innocent, autour des tuyaux d'eau chaude, je place un isolant. Un conseil des guichets Énergie Wallonie. Glasses on the sink, they didn't fix you. Lonely pillows and a stranger's bed. Little voices in my head. Sacred keeping, stop the bleeding. Lost a little weight because I wasn't eating. All the songs that I can't listen to tell the truth. Loving you was young and wild and free. Loving you was cool and high and sweet. Loving you was sunshine, safe and sound, a steady place to let down my defenses. But loving you had consequences. Hesitation, awkward conversation, running on low expectation. Every siren that I was ignoring, I'm paying for it. Loving you was young and wild and free. Loving you was cool and high and sweet. Loving you was sunshine, safe and sound, a steady place to let down my defenses. But loving you had consequences. I want.

quand t'es pas là, toi. Là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi. Là où les autres ont le cœur qui colle. Si tu le veux, prends, je te le donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne. Je te le donne. C'est tout frais, frais. Nouveau hit, tout frais. Dans la playlist énergie. Que Black. Sans nouvelles, c'est elle que je veux, mais je suis sans nouvelles. C'est elle que je veux, mais je suis sans nouvelles. Pourtant, pour toi, j'aurais tout donné. Pourtant, pour toi, j'aurais tout donné. À ce qui paraît, je t'ai trompé. Donc tu laisses tomber. Ma tristesse dans du tombé. Mais qui sont-ils? Vas-y monte à bord. Dans le lambeau avant t'adore. Je sais que t'adore. Ferme la porte, por favor. Allez on y va. Fonder une famille. J'ai dit on y va. Il est temps qu'on se marie. Mais je suis sans nouvelles. C'est elle que je veux. Mais ces mecs, imitation mannequin. La nuit, je rêve de toi. Tu es belle sans make-up. Je peux te rendre heureuse. Et 500 euros. Je peux te rendre heureuse. Jouer avec moi, c'est dangereux. Je ne suis pas un garçon fragile, mais sauf quand il s'agit d'elle. Je ne peux pas dire que la vie est belle. Car je suis sans nouvelles. C'est elle que je veux, mais je suis sans nouvelles. C'est elle que je veux, mais je suis sans nouvelles. Pourtant, pour toi, j'aurais tout donné. Pourtant, pour toi, j'aurais tout donné. Je ne suis pas un garçon fragile, mais sauf quand il s'agit d'elle. Je ne peux pas dire que la vie est belle. Car je suis sans nouvelles. C'est elle que je veux, mais je suis sans nouvelles. C'est elle que je veux, mais je suis sans nouvelles. Pourtant, pour toi, j'aurais tout donné. Pourtant, pour toi, j'aurais tout donné. Ah, il me fait rire que Black est sans nouvelles. Je sais pas, on voulu un snap. Lui un SMS, frère, qu'est-ce que tu fais? Ah, il est bon. Dans la playlist énergie, que Black en nouveauté, c'était sans nouvelles. Ouais, dans la playlist, il y a aussi pas mal de nouveautés, pas mal de classiques. C'est la playlist la plus variée ici. La preuve, voici pour vous. Loud Luxury arrive sur énergie. L'actu aussi, retour des news à partir de 8h. Courage tout le monde si vous êtes au boulot. Il est quasiment 8h. C'est bientôt le week-end. Cora est ouvert ce dimanche 30 décembre. Ça, c'est un véritable cadeau. Je vous l'emballe. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Montana. Come on. You know what it is when you hear that. Love, love, I can't tell you who to love, love. But you've been sleeping on me. Don't sleep on me. Don't sleep on me. Don't sleep on me. Don't sleep on me. Yeah, you've been sleeping on me. Don't sleep on me. Don't sleep on me. Don't sleep on me. Don't sleep on me. Yeah, you've been sleeping on me. A girl like you needs extra attention. If you give me the word, and it's killing me, you don't pay me no mind. Yeah, you've been sleeping on me. Don't sleep, don't sleep, don't sleep. Me. I had a crush on you, but you never acknowledged me. Now when you see me, you act the fuck up. Boy, good luck, I'm chucking my new stuff. Yannick à la rédac, et tu oui, vas faire les infos dans quelques secondes. J'ai besoin de toi. Ouais, on a tout le monde a besoin de moi. J'ai besoin de toi. J'étais dans le couloir, il y a la machine, juste à côté de la machine à café pour prendre des bonbons. Et j'ai mon Malteser qui s'est bloqué. Ah oui, bah tu l'as ce coup, hein, tu tapes dedans. Ouais, tu crois? Bah oui. Quand je te parle, mon Malteser, c'est celui dans la machine. Hein. Je parle ouais. d'autre chose. Sinon, je ne demandais pas à toi, Yannick. Hey. C'est n'importe quoi. Non mais c'est vrai, tu prends un truc pour manger à la machine et ça fonctionne pas. Bah ouais. Entre ça et la clim, moi c'est ça. Je vais partir. Y a rien qui va ce matin. Tu sais quoi, je vais partir en week-end. Vas-y, fais la météo. Donc, donc beaucoup de nuages aujourd'hui, même si le temps restera sec. Il fera. Il fait. Salut, Indiane. Salut. Tiens. Il fait plutôt froid ce matin avec des maxima de 2 à 3 degrés. En cours de journée, on gagnera quelques degrés. Alors, moi, tant voilà, que alors mon que je suis tout seul sur énergie. Tant que je n'ai pas mon Malteser, je n'envoie pas les scandale. Ah, c'est terminé. Bon, mobilisation et énergie. Je coupe mon micro. Voilà. Au revoir, Dylan. Voilà. Petit blanc, moment gênant, à l'antenne. Allez, allons-y pour les infos. On va y arriver puisque déjà il est 8h02. Si je continue, on arrivera à 9h. Voici l'actu donc. À l'heure, quasiment. Il est c'est vendredi et c'est Yannick Farkas qu'on retrouve. Aux infos, on va y arriver. Vas-y, mon Yannick. Wallon et Flamand ont du mal à s'entendre sur la politique routière. La région wallonne souhaite toujours mettre en place un système de vignettes alors que la Flandre semble privilégier la piste d'une taxe au kilomètre. L'introduction de deux systèmes différents dans un même pays est difficile à imaginer, selon Carlo Di Antonio, le ministre wallon de la mobilité. Depuis plusieurs années, Carlo Di Antonio plaide pour la vignette payante pour circuler sur les routes wallonnes. Elle remplacerait la taxe de circulation. À Bruxelles, le plan hiver tournera à plein régime dès les premiers jours de 2019. Actuellement, 908 lits sont mis à disposition et ce chiffre augmentera à 1200 places d'accueil début janvier. Un nouveau centre de 300 places verra le jour à Evere. Le froid, mais aussi le quota de demandes d'asile mis en place par Théo Franken a eu des conséquences sur l'organisation et l'hébergement des sans-abri à Bruxelles. ING a sondé les Belges afin de savoir s'ils comptaient prendre de nouvelles résolutions en 2019. Selon l'enquête, plus de 86% des citoyens prendront en effet, de bonnes résolutions pour 2019. Maigrir et faire plus de sport sont à nouveau dans le top des bonnes résolutions. Économiser de l'argent aussi fait partie du top 3. Malheureusement, toujours selon l'enquête d'ING, les Belges ont du mal à tenir ces résolutions. Dès les premiers jours de l'année, les bonnes résolutions sont déjà au placard. Aux États-Unis, les négociations entre démocrates et républicains ont échoué. La paralysie partielle des administrations fédérales va donc se prolonger jusqu'à la semaine prochaine. L'impasse budgétaire se heurte au projet du mur à la frontière mexicaine voulu par Donald Trump mais auquel s'opposent les démocrates. En football, après avoir résilié son contrat avec le club français de Dijon, Laurent Simon est de retour en MLS. Il s'agit de la Ligue nord-américaine de football. L'ex-Diable Rouge s'est engagé avec le club de Toronto. Et enfin, toujours en football, c'était la fin de la 21e journée de championnat hier soir. Anderlecht a gagné 3-0 contre Weston Beveren et le club de Bruges s'est lui imposé 0-1 à l'Occurrence. Yes, bon réveil, énergie, 8h04 avec Loud Luxury tout de suite. À la Saint-Innocent, autour des tuyaux d'eau chaude, je place un isolant. Un conseil des guichets énergie Wallonie. I'm low, gotta keep it down. Don't wait around for a signal now. Give me some verb, I ain't talking now. You wanna ride in the six? You wanna down in the six?

6-9 des vacances sur Énergie. Oublie les mots d'amour. Dans un instant, le retour de votre playlist, 8h13. Holly Murse, le duo avec Snoop Dogg arrive dans quelques secondes. Et puis un hit qui va faire plaisir à pas mal de monde. C'est le genre de hit que vous pouvez par exemple choisir dans votre playlist partagée. On va écouter dans un instant Diams. C'est bon ça? Si vous aussi vous souhaitez choisir les hits qui vous feraient plaisir d'entendre ou de réentendre, comme maintenant par exemple à la radio, eh bien c'est possible, c'est tous les jours à 9h et à 20h. Vous créez votre propre playlist et vous la partagez à tout le monde. Pour vous inscrire et créer la vôtre, rendez-vous sur énergie.be. On va l'écouter Diams juste après ça sur Énergie. À tout de suite, bon réveil. Téléchargez maintenant l'appli Énergie Belgique et retrouvez plus de 15 radios thématiques inspirées par vous. Énergie pour le sport. Énergie nouveauté. Énergie relax et beaucoup d'autres comme Énergie Hit 90. Visitez les années 90 et écoutez votre radio musicale thématique Energy Hits 90 sur l'appli Energy Belgique et sur energy.be. 2018 a été une année inoubliable. Comment pourrais-je préserver tous ces merveilleux souvenirs? Créez un livre photo COE sur du vrai papier photo pour des années de plaisir. COE, élu meilleur service photo du monde. Bénéficiez actuellement de 50% de réduction sur un calendrier photo à l'achat d'un livre photo COE. Rendez-vous sur cewe.be. On a tous une bonne raison d'aller chez Intermarché. Oh, moi, c'est pour leur champagne que Mère Noël adore. Ah, ça tombe bien, Père Noël. Le champagne de Lagny Fils, brut ou demi-sec, est en 1 plus 1 gratuit avec la carte Intermarché. 1 plus 1 gratuit? Pour un champagne de qualité, il revient à 9,99€ la bouteille. Intermarché, avec vous pour des fêtes moins chères. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.

Il est 8h26 sur Énergie. Allez, tranquille, ça va bien se passer. C'est bientôt le week-end. Encore quelques heures à tirer. Courage si vous partez au boulot. Il y en a peut-être qui vont démarrer les vacances aujourd'hui. Eh bien, restez bien connectés sur Énergie. La suite, les news arrivent à 8h30. On aura l'occasion d'écouter David Guetta aussi et Dadju. Alors, Dadju, il faut savoir qu'il est très très sympa avec ses fans. Dès qu'il peut faire un selfie, il le fait. Et dès qu'il peut faire monter un fan sur la scène, il le fait aussi. Ça s'est passé il y a quelques jours du côté de Toulouse en France. Il a fait monter sur scène une petite fille qui est juste fan de Dadju. Il a posté la vidéo sur son compte Instagram. Et je voulais vous partager ce moment ce matin. Écoutez ce qui se passe dans la vidéo. On va l'écouter Dadju. Avant ça, écoutez ce qui s'est passé à Toulouse. La petite est donc invitée à monter sur scène. Elle est avec lui et elle chante. De la chance la petite hein. Elle est trop sympa Dadju, écoutez. C'est ça qu'on aime bien, les artistes ainsi. Dadju arrive dans la playlist Énergie. It's never your fault. The bang, bang, bang. Banks and ranks on the ball. Zao, Awo. C'est action, vérité. T'aimer ou te quitter. Et l'histoire est sans cesse répétée. Qui commettra la faute? Qui de nous deux claquera la porte? On dirait bien que l'enfer, c'est les autres. Tu sais qu'on en a. Tu sais qu'on en a. Jeu, amour belliqueux, c'est quand nos cœurs se consument à petit feu. On se renvoie la balle et tout redevient normal jusqu'à ce que tu tires là où j'ai mal. Tu sais qu'on en a, tu sais qu'on en a. C'est qu'on en aura mal. Bang, bang, bang. Tu sais qu'on en a, tu sais. Et vendredi, tout est permis. Exactement. C'est pour ça qu'on annonce une moyenne de 28 degrés partout dans le pays. Allez à la plage hein, si vous pouvez aujourd'hui. Oui, n'oubliez pas la crème solaire et le petit sac à dos. Allez, allons-y pour la réalité plutôt. Ouais, beaucoup de nuages aujourd'hui malheureusement. Le temps sera globalement sec, donc il n'y aura pas de pluie, c'est déjà ça. Ah. Il fera plutôt froid aujourd'hui avec des maxima de 2 à 3 degrés. En cours de journée, il fera un petit peu plus chaud, on gagnera quelques degrés. Ouais, et les températures remontent pour ce week-end un petit peu, donc c'est déjà une bonne nouvelle. 8h31, bienvenue sur Énergie, c'est le 6-9 des vacances avec l'actualité débriefée par Yannick Farkas. Bonjour Yannick. Bonjour Dylan et bonjour à tous. Le navire humanitaire Open Arms arrive en Espagne. À son bord, 311 migrants subsahariens, dont des femmes et des enfants. Tous ont été secourus en pleine mer après 7 jours de voyage. C'est donc le soulagement après un périple agité dans le froid. Les 311 migrants ont trouvé un peu de réconfort hier en voyant enfin les côtes andalouses à l'horizon. À leur arrivée, les migrants seront pris en charge par des équipes de la Croix-Rouge et seront ensuite envoyés dans des centres de rétention pour étrangers. Les entrepreneurs sont de plus en plus jeunes. Des jeunes se retrouvent désormais à la tête de leur propre société, selon les derniers chiffres du SPF Économie. L'an dernier, les jeunes patrons âgés de 18 à 22 ans ont enregistré une hausse record de 18%. Selon les spécialistes, cela fait une quinzaine d'années qu'on sensibilise les jeunes à l'entrepreneuriat. La génération actuelle dispose donc de toute une boîte à outils qui leur permet de démarrer leur propre projet. La police découvre chaque mois environ 700 cas de fraude à l'identité. Les criminels ont recours à de fausses identités pour commettre leurs méfaits. L'an passé, la police a relevé plus de 8000 cas de fraude. Les procureurs vont d'ici peu émettre une circulaire sur le partage d'informations. La justice, les services policiers et les services gouvernementaux devraient s'échanger toutes sortes d'informations à ce sujet. Des empreintes digitales se trouveront également sur toutes les cartes d'identité à partir du mois d'avril. Les ventes de voitures diesel sont en net recul en Belgique. De janvier à novembre, les immatriculations de voitures diesel ont baissé de près de 11% par rapport à l'année 2017. Le diesel poursuit donc sa chute, d'autant que ce carburant coûte désormais plus cher que l'essence. Le diesel est aussi en chute sur le marché des voitures de société, même s'il reste toujours majoritaire sur ce secteur. Et enfin, en football, c'était la fin de la 21e journée de championnat hier soir. Anderlecht a gagné 3-0 contre Waasland Beveren. Et le club de Bruges, lui, s'est imposé 0-1 à Lokeren. Et voici que notre semaine ensemble s'achève. C'est triste. Yannick, hein, c'est vrai, un peu ému. Ouais, non, pas du tout. Mais je vais te laisser prendre tes vacances. Tu pars quelque part, tu vas faire quoi? Repos? Pour l'instant, c'est repos, ouais. On va profiter du week-end. Et après, on repart déjà dès lundi. Hein. Ah, bah oui, c'est vrai. Bah, ouais. Oui. Et ce sera qui la semaine prochaine avec moi, Aurélie, je pense. C'est Aurélie Adam. Exactement. Voilà, elle va revenir ici à l'antenne. Bah, du coup, bonnes vacances, mon Yannick. Merci, à la prochaine. Ouais. Et puis, à la prochaine semaine de vacances. Alors, la prochaine semaine. Peut-être. Ah, tu sais quoi, on va peut-être faire tout l'été ensemble. Ouais. Il y a des chances. Je suis pas très impatient. Mais bon. J'adore. Allez, gros bisous, Yannick. Ouais, salut. Ciao, merci à toi. À la Saint-Innocent, autour des tuyaux d'eau chaude, je place un isolant. Un conseil des guichets Énergie Wallonie. You've been dressing up the truth. I've been dressing up for you. Then you leave me in this room Pour a glass and bite my tongue. You say I'm the only one. If it's true, then why you running? You running? Ooh, oh. If you're really being honest, if you really want this, ooh, oh. Why you acting like a stranger? What's with your behavior? Ooh, oh. Say my name, say my name. If you love me, let me hear you. Say my name. Gracias.

j'adore parce que tous les jours à 20h et aussi à 9h du mat, c'est la playlist partagée sur Énergie. En l'occurrence, vous allez sur énergie.be et vous faites ce que vous voulez de votre programmation musicale. Vous éjectez d'ailleurs au passage le programmateur musical de la radio. Et c'est vous qui prenez le contrôle avec Stromae et Coldplay qui vont arriver. Et puis là, choisi par Jordan, c'est Bruno Mars sur Énergie. Sweep the streets I hear.